Chapitre 46 Des essais de Montaigne Livre 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. Essai par Michel Ekem de Montaigne Livre 1 Chapitre 46 Des noms Quelque diversité d'herbes qu'il y ait, tout s'enveloppe sous le nom de salade. De même, sous la considération des noms, je m'en vais faire ici une galimafrée de divers articles. Chaque nation a quelques noms qui se prennent, je ne sais comment, en mauvaise part, et à nous, Jean, Guillaume, Benoît. Item il semble y avoir, en la généalogie des princes, certains noms fatalement affectés, comme des Ptolémées à ceux d'Égypte, des Henri en Angleterre, Charles en France, Baudouin en Flandre, et en notre ancienne Aquitaine, des Guillaume, d'où l'on dit que le nom de Guyenne est venu, par un froid rencontre, s'il n'y en y avait d'aussi cru dans Platon même. Item, c'est une chose légère, mais toutefois digne de mémoire pour son étrangeté, et écrite par témoin oculaire, que Henri, duc de Normandie, fils de Henri II, roi d'Angleterre, faisant un festin en France, l'assemblée de la noblesse y fut si grande que, pour passe-temps, s'étant divisée en bandes par la ressemblance des noms, en la première troupe qui fut des Guillaume, il se trouva 110 chevaliers assis à table portant ce nom, sans mettre en compte les simples gentilshommes et serviteurs. Il est autant plaisant de distribuer les tables par les noms des assistants, comme il était à l'empereur Geta de faire distribuer le service de ses mets par la considération des premières lettres du nom des viandes. On servait celles qui se commençaient par M, mouton, marcassin, merlu, marsouin, ainsi des autres. Item, il se dit qu'il fait bon avoir bon nom, c'est-à-dire crédit et réputation, mais encore, à la vérité, est-il commode d'avoir un nom beau, et qui aisément se puisse prononcer et retenir, car les rois et les grands nous en connaissent plus aisément et oublient plus mal volontiers, et de ceux même qui nous servent, nous commandant plus ordinairement et employant ceux desquels les noms se présentent le plus facilement à la langue. J'ai vu le roi Henri II ne pouvoir nommer à droit un gentilhomme de ce quartier de Gascogne, et à une fille de la reine, il fit lui-même d'avis de donner le nom général de la race parce que celui de la maison paternelle lui sembla trop divers. Et Socrate estime digne du soin paternel de donner un beau nom aux enfants. Item, on dit que la fondation de Notre-Dame-la-Grand à Poitiers prit origine de ce qu'un jeune homme débauché, logé en cet endroit, ayant recouvré une garce et lui ayant d'arriver demandé son nom, qui était Marie, se sentit si vivement épris de religion et de respect de ce nom sacro-saint de la Vierge Mère de notre Sauveur que non seulement il la chassa soudain, mais on amenda tout le reste de sa vie, et qu'en considération de ce miracle, il fut bâti, en la place où était la maison de ce jeune homme, une chapelle au nom de Notre-Dame, et depuis l'église que nous y voyons. Cette correction voyelle et auriculaire, dévotieuse, tira droit à l'âme. Cette autre suivante, de même genre, s'insinua par les sens corporels. Pythagoras, étant en compagnie de jeunes hommes, lesquels il sentit comploter, échauffé de la fête, d'aller violer une maison pudique, commanda à la ménestrière de changer de ton, et par une musique poisante, sévère et spondaïque, enchanta tout doucement leur ardeur, et l'endormit. Item dira par la postérité que notre réformation d'aujourd'hui ait été délicate et exacte, de n'avoir pas seulement combattu les erreurs et les vices, et remplit le monde de dévotion, d'humilité, d'obéissance, de paix et de toute espèce de vertu, mais d'avoir passé jusqu'à combattre ces anciens noms de nos baptêmes, Charles, Louis, François, pour peupler le monde de Mathusalem, Ézéchiel, Malachie, beaucoup mieux sentant de la foi. Un gentilhomme, mien voisin, estimant les commodités du vieux temps au prix d'une autre, n'oubliez pas de mettre en compte la fierté et magnificence des noms de la noblesse de ce temps-là, dont Grumedan, Quédragon, Agésilan, et qu'à les ouïr seulement sonner, ils se sentaient qu'ils avaient été bien autres gens que Pierre, Guillot et Michel. Item, je sais bon gré à Jacques Amyot d'avoir laissé, dans le cours d'une oraison française, les noms latins tous entiers, sans les bigarrer et changer pour leur donner une cadence française. Cela semblait un peu rude au commencement, mais déjà l'usage, par le crédit de son Plutarque, nous en a ôté toute l'étrangeté. J'ai souhaité souvent que ceux qui écrivent les histoires en latin nous laissassent nos noms tous tels qu'ils sont, car en faisant de Vaudemont Valemontanus et les métamorphosant pour les garber à la grecque ou à la romaine, nous ne savons où nous en sommes et en perdons la connaissance. Pour clore notre compte, c'est un vilain usage et de très mauvaises conséquences en notre France d'appeler chacun par le nom de sa terre et seigneurie, et la chose du monde qui fait plus mêler et méconnaître les races. Un cadet de bonne maison, ayant eu pour son apanage une terre, sous le nom de laquelle il a été connu et honoré, ne peut honnêtement l'abandonner. 10 ans après sa mort, la terre s'en va à un étranger, qui en fait de même. Devinez où nous sommes de la connaissance de ces hommes. Il ne faut pas aller quérir d'autres exemples que de notre maison royale, où autant de partages, autant de surnoms. Cependant, l'originel de la tige nous est échappé. Il y a tant de liberté en ces mutations que de mon temps, je n'ai vu personne élevé par la fortune à quelque grandeur extraordinaire à qui on ait attaché incontinent les titres généalogiques nouveaux et ignorés à son père et qu'on ait hanté en quelque illustre tige. Et de bonne fortune, les plus obscures familles sont plus idoines à falsification. Combien avons-nous de gentilshommes en France qui sont de royale race selon leur compte? Plus, se crois-je, que d'autres. Fût-il pas dit de bonne grâce par un de mes amis, ils étaient plusieurs assemblés pour la querelle d'un seigneur contre un autre, lequel autre avait, à la vérité, quelques prérogatives de titre et d'alliance élevées au-dessus de la commune noblesse. Sur le propos de cette prérogative, chacun, cherchant à s'égaler à lui, alléguait qui une origine, qui une autre, qui la ressemblance du nom, qui des armes, qui une vieille pancharte domestique, et le moindre se trouvait arrière-fils de quelque roi d'outre-mer. Comme ce fut à dîner, cet huissi, au lieu de prendre sa place, se recula en profonde révérence, suppliant l'assistance de l'excuser de ce que, par témérité, il avait jusque-lors vécu avec eux en compagnon. Mais qu'ayant été nouvellement informé de leur vieille qualité, il commençait à les honorer selon leur degré, et qu'il ne lui appartenait pas de se soir parmi tant de princes. Après sa farce, il leur dit 1000 injures. Contentons-nous de par Dieu de ce de quoi nos pères se sont contentés et de ce que nous sommes. Nous sommes assez, si nous le savons bien maintenir. Ne désavouons pas la fortune et condition de nos aïeuls, et autant ces sottes imaginations, qui ne peuvent faillir à quiconque à l'impudence de les alléguer. Les armoiries n'ont de sûreté non plus que les surnoms. Je porte d'azur semé de trèfles d'or, à une patte de lion de même, armée de gueules mise en face. Quel privilège a cette figure pour demeurer particulièrement en ma maison. Un gendre la transportera à une autre famille. Quelque chétif acheteur en fera ses premières armes. Il n'est chose où il se rencontre plus de mutations et de confusions. Mais cette considération me tire par force à un autre champ. Sondons un peu de près, et pour Dieu, regardons à quel fondement nous attachons cette gloire et réputation pour laquelle se bouleverse le monde. Où asseyons-nous cette renommée que nous allons quêtant avec si grande peine? C'est en somme Pierre ou Guillaume qui la porte, prend en garde, et à qui elle touche. Ô la courageuse faculté que l'espérance, qui, en un sujet mortel et en un moment, va usurpant l'infinité, l'immensité, l'éternité, et remplissant l'indigence de son maître de la possession de toutes les choses qu'il peut imaginer et désirer autant qu'elle veut. Nature nous a là donné un plaisant jouet. Et ce Pierre ou Guillaume, qu'est-ce qu'une voix pour tout potage, ou 3 ou 4 traits de plume, premièrement, si aisé à varier, que je demanderais volontiers à qui touche l'honneur de tant de victoires, à Guesquin, à Glesquin ou à Guyacquin? Il y aurait bien plus d'apparence ici qu'en Lucien, que Sigma, Mitau en procès, car non levia aut ludicra petuntur pregna. Il y va de bon, il est question laquelle de ces lettres doit être payée de tant de sièges, batailles, blessures, prisons et services faits à la couronne de France par ce sien fameux connétable. Nicolas Denis Sault n'a eu soin que des lettres de son nom, et en a changé toute la contexture pour en bâtir le comte d'Alcinois, qu'il a étrenné de la gloire de sa poésie et peinture. Et l'historien Suétone n'a aimé que le sens du sien, et, en ayant privé Lénis, qui était le surnom de son père, a laissé Tranquillus, successeur de la réputation de ses écrits. Qui croirait que le capitaine Bayard n'eût honneur que celui qu'il a emprunté des faits de Pierre Terrailles? Et qu'Antoine Escalin se laisse voler, à sa vue, tant de navigation et charges par mer et par terre, au capitaine Poulain et au baron de la Garde. Secondement, ce sont traits de plume communs à 1000 hommes. Combien y a-t-il, en toutes les races, de personnes de même nom et surnom? Et en diverses races, siècles et pays, combien? L'histoire a connu 3 Socrates, 5 Platon, 8 Aristote, 7 Xénophon, 20 Démétrius, 20 Théodore, et pensez combien elle n'en a pas connu. Qui empêche mon palefrenier de s'appeler Pompée le Grand? Mais après tout, quel moyen, quel ressort y a-t-il qui attache à mon palefrenier trépassé ou à cet autre homme qui eut la tête tranchée en Égypte et qui joigne à eux cette voix glorifiée et ces traits de plume ainsi honorés afin qu'ils s'en avantagent? It cineram et manes credis curare sepultos. Quel ressentiment ont les 2 compagnons en principale valeur entre les hommes et Epaminondas de ce glorieux vers qui court tant de siècles pour lui en nos bouches. Conciliis nostris laus est attrita laconum. Et Africanus de cet autre. A sole ex oriente, supra maioti paludes, nemo est qui factis me equiparare queat. Des survivants se chatouillent de la douceur de ses voix, et Paricel, sollicité de jalousie et désir, transmet inconsidérément, par fantaisie, aux trépassés s'étuit leur propre ressentiment, et d'une pipeuse espérance se donne à croire d'en être capable à leur tour. Dieu le sait. Toutefois, at hec se Romanus graiusque et barbarus induperator erexit. Causas discriminis atque laboris inde habuit. Tanto maior famae sitis est, quam virtutis. Fin du chapitre 46.